Eh bien, bonjour, bonjour, c'est Dominique sur Radio Gemozo 107 FM. Aujourd'hui, je vais vous lire une nouvelle, le fantôme à la tête coupée, Rokuro Kubi. C'est une nouvelle écrite par Lafcadio Hearn. C'est un écrivain irlandais qui prit ensuite la nationalité japonaise sous le nom de Yakumo Koizumi. Il est né en 1850, il est mort en 1904 à Tokyo. C'est un grand voyageur, journaliste anglo-saxon, traducteur en anglais de Maupassant, Gautier, Flaubert. Et il s'intéresse aux histoires traditionnelles japonaises, notamment celle des fantômes. Je vais donc vous lire une histoire de fantômes. Il y a 5 siècles, un chevalier nommé Isogai Aldazae Montaketsura se trouvait au service du seigneur Kikuji de Kyushu. Isogai avait hérité de ses ancêtres guerriers une force remarquable et un goût très vif pour les exercices militaires. Tout enfant, il surpassait déjà ses maîtres dans l'art de l'escrime et du tir à l'arc. Il fit aussi preuve de toutes les capacités nécessaires pour devenir un soldat courageux et consommé. Plus tard, pendant la guerre de Aikyo, il se distingua de telle façon qu'il fut élevé à de grands honneurs. Mais lors de la ruine complète de la maison de Ikuji Uzugai, se trouva sans maître. Il aurait très aisément pu s'engager au service de quelque autre daimyo. Toutefois, son cœur demeura fidèle à son ancien seigneur. Il résolut de se retirer de la vie active. Il se rasa donc la tête et devint un prêtre errant sous le nom bouddhiste de Kwairyo. Cependant, sous son koromo, le cœur de Kwairyo était toujours bien celui d'un samouraï. Comme autrefois, il méprisait le danger. Par toutes les saisons, par tous les temps, il voyageait sans cesse, prêchant la bonne foi et allant en des endroits où nul autre ne se serait aventuré en cette période de trouble où les routes n'offraient aucune sécurité aux piétons solitaires, pas même aux prêtres. Durant le premier long voyage qu'il entreprit, Kwairyo eut l'occasion de visiter la province de Kai. Un soir, comme il traversait les hautes montagnes de cette région, la nuit le surprit dans un lieu désert situé à plusieurs heures de marche du village, le plus proche. Il se résigna à dormir à la belle étoile. Après avoir trouvé une place convenable, il s'y coucha et attendit le sommeil. Il avait toujours eu le mépris de ses aises et lorsque rien de mieux ne se présentait, un rocher lui servait de lit et un tronc d'arbre lui faisait un oreiller excellent. Son corps était de fer et il ne se souciait guère de détails aussi infimes que la pluie, la rosée ou le vent. À peine venait-il de s'installer qu'un paysan passa sur la route. Il portait une grande brassée de bois et tenait une hache à la main. Lorsqu'il aperçut Kwairyo, il s'arrêta. Et après l'avoir contemplé quelque temps en silence, il lui dit d'un ton de profonde surprise « Quel homme êtes-vous donc, mon seigneur, pour oser vous coucher seul dans un lieu aussi désert? Il y a beaucoup de fantômes dans ces parages. Ne craignez-vous pas de rencontrer quelques monstres poilus ?»« Mon ami, répliqua Kwairyo avec un rire joyeux, je ne suis qu'un prêtre errant. » Qu'un hôte de nuages et d'eau, comme on dit. Je ne crains pas les monstres poilus, si par ces mots vous voulez désigner les renards fantômes et les créatures de cette espèce. Quant aux lieux solitaires, ils me plaisent, car ils sont propices à la méditation. Je suis accoutumé à dormir au grand air, et je n'ai pas encore appris à craindre pour ma vie. » En vérité, vous devez être très brave, seigneur prêtre, répondit l'homme. Ce lieu a un très vilain renom, et comme dit le proverbe, Kunchi Ayayuki Shikayo Ryashu. L'être supérieur ne s'expose pas inutilement au danger. Je vous assure qu'il serait téméraire de coucher ici. Donc, quoique ma demeure ne soit qu'une humble chaumière, je vous prie de bien vouloir m'y accompagner. En fait de nourriture, je n'ai rien à vous offrir, mais vous trouverez au moins un toit sous lequel vous pourrez dormir en toute sécurité. » Il parlait sérieusement, et son ton aimable et modeste plut à Kverio. Il accepta sa proposition. Le bûcheron le guida par un étroit sentier qui serpentait à travers la forêt et bordé d'immenses rochers. Au bout de quelque temps, ils parvinrent à une sorte de clairière au sommet d'une colline et éclairée par les rayons de lune. Kverio aperçut devant lui une petite chaumine où brillait une lumière. Le bûcheron le conduisit d'abord à un hangar placé près de la cabane et où l'on avait amené l'eau grâce à un système de tuyaux de bambou. Le prêtre, suivant l'exemple de son guide, se lava les pieds. Au loin, il apercevait un jardin potager et un bosquet de cèdres et de bambous. À travers le feuillage épais, il vit une cascade qui tombait de haut et dont les eaux écumantes scintillaient à la lumière de la lune comme une longue robe blanche. Lorsque Kverio pénétra dans la chaumière, accompagné du bûcheron, il y trouva 4 personnes, hommes et femmes, se chauffant les mains au-dessus d'un petit feu qui pétillait dans le rô de la chambre principale. En le voyant entrer, elles se prosternèrent devant lui et l'accueillirent fort respectueusement. Kverio fut très surpris que des paysans aussi pauvres connussent les termes polis de la bienvenue. « Voici de braves gens, » pensa-t-il. Ils ont sans doute été élevés par quelqu'un qui connaissait à fond les règles de la bonne société. Il se tourna vers son hôte, le Haruji, ou chef de la maison, comme l'appelaient les autres, et lui dit « L'amabilité de votre parler et l'accueil si poli que me fait votre entourage me font supposer que vous n'avez pas toujours été un bûcheron. Peut-être apparteniez-vous autrefois à une des classes élevées de la société. » Le bûcheron lui répondit en souriant. « Vous ne vous trompez pas, Seigneur. Bien que je vive à présent dans la plus grande misère, j'ai été en ma jeunesse une personne d'une certaine distinction. J'appartenais à la suite d'un daimo et mon rang était assez élevé. Mais j'aimais trop les femmes et le vin. Et sous l'influence de mes passions, j'ai très mal agi. Ma mauvaise conduite et mon égoïsme ont causé la ruine de ma maison et la mort de plusieurs personnes. Je dus m'enfuir et demeurer longtemps à l'étranger. Mon vœu serait de pouvoir expier ma faute et rétablir l'ancienne demeure de mes ancêtres. Je crains de ne jamais trouver le moyen de le faire. J'essaie cependant de racheter mes erreurs par un repentir sincère et en aidant les malheureux. » Ravi d'entendre exprimer de si bonnes résolutions, Kverio dit au Haruji : « Mon ami, j'ai souvent remarqué que ceux qui furent les plus fous dans leur jeunesse sont devenus très sages en vieillissant. On lit dans les versets sacrés que les plus mauvais peuvent se transformer en et devenir, grâce à un repentir sincère, les meilleurs des hommes. Je ne doute pas que vous ne possédiez un cœur excellent et je souhaite que bientôt la fortune vous soit clémente. Ce soir, je réciterai des sutras à votre attention et je prierai pour vous afin que vous puissiez avoir la force de vaincre tous vos défauts et de racheter ainsi vos erreurs passées. » Puis il dit bonsoir au bûcheron et se dirigea vers une chambre voisine où on lui avait aménagé une couchette. tout le monde s'endormit, sauf le prêtre qui, à la lumière d'une lanterne de papier, se mit à lire les versets divins. Il continua sa lecture très tard dans la nuit, puis il pria. Enfin, il se leva et ouvrit toute grande la lucarne de sa chambrette pour jeter un dernier regard sur le paysage avant de s'endormir. La nuit était très belle. Aucun nuage ne voilait le ciel pur. Il n'y avait pas de vent. Les rayons de la lune scintillaient sur les gouttes de rosée et faisaient ressortir l'ombre profonde du feuillage. Les cricris, les insectes à cloche faisaient un concert harmonieux et au loin, on entendait les eaux de la cascade qui bruissaient. Au son de cette eau qui coulait, Kverio sentit soudain une grande soif. Il se souvint du petit aqueduc en bambou situé derrière la chaumine et il résolut d'y aller afin de pouvoir boire un peu d'eau fraîche sans pouvoir déranger ses hôtes. Et il repoussa sans bruit l'écran qui séparait sa chambre de la pièce principale du logis. Et là, à la lumière de sa lanterne, il aperçut 5 corps étendus par terre. 5 corps sans tête. Un instant, il demeura immobile, ahuri, croyant qu'un crime avait été commis, mais il vit aussitôt qu'il n'y avait nulle trace de sang et que les corps eux-mêmes ne présentaient aucune blessure. « Ou les fantômes font voir une illusion, pensa-t-il, ou j'ai été attiré dans la demeure d'un rokubi. Il est décrit dans le livre de Shoshinki que si l'on trouve le corps décapité d'un rokurokubi, on doit le transporter dans un autre endroit. La tête ne pourra jamais rejoindre le corps. Le livre dit en plus que si la tête revient et ne trouve pas son corps, elle se cognera 3 fois contre la terre, puis rebondira comme une balle en haletant, en proie à une grande frayeur. Ensuite, elle retombera inerte. Si ceux-ci sont vraiment des rokurokubi, ils ne me veulent aucun bien. Je suis donc autorisé à suivre les indications du Saint-Livre. Ce disant, il saisit le corps du bûcheron par les pieds, le traîna jusqu'à la fenêtre et le poussa dehors. Puis il alla à la porte qu'il trouva verrouillée. Il comprit alors que les têtes avaient dû s'envoler par le trou pour la fumée. Qui avait été laissé entrouvert dans le toit. Ouvrant la porte, Kverio gagna le jardin, puis se dirigea vers le bosquet d'arbres. Il perçut alors un son de voix confuse et il continua à s'avancer, glissant d'ombre en ombre, jusqu'à ce qu'il eût trouvé une bonne cachette. Il se dissimula derrière un cèdre et il vit. Il vit les 5 têtes de ses hôtes qui voltaient çà et là tout en bavardant. Elles dévoraient des vers et d'autres insectes qu'elles trouvaient à terre ou parmi les feuilles. Soudain, la tête appartenant au bûcheron cessa de manger et dit « Ah, comme il est gras ce prêtre errant que j'ai ramené hier soir !» Lorsque nous l'aurons avalé, nos ventres seront pleins. J'ai eu grand tort de lui parler comme je l'ai fait, car cela l'a invité à réciter les sutras pour le salut de mon âme. Il serait difficile de l'approcher tant qu'il récite, et nous ne pouvons le toucher lorsqu'il est en prière. Mais l'aube va bientôt paraître. Peut-être s'est-il endormi. Qu'un de vous se rende à la maison voir ce qu'il fait. Une deuxième tête, celle d'une jeune femme, voleta aussitôt vers la chaumière, telle une chauve-souris. Elle revint quelques instants plus tard et s'écria d'une voix rauque et effrayée. « Le prêtre n'est plus dans sa chambre. Il a disparu et a emporté le corps de notre maître. Je ne sais où il l'a mis. » À ces mots, le visage du Haruji prit une expression terrifiante. Ses yeux s'ouvrirent démesurément, ses cheveux se hérissaient, ses dents se mirent à claquer. Puis une exclamation sourde jaillit de sa bouche, et ce fut en sanglotant de fureur qu'il s'écria « Puisqu'on a déplacé mon corps, plus jamais je ne pourrai le rejoindre. Je vais donc mourir à cause de ce prêtre maudit. Oh, oh ! Mais avant de mourir, je le retrouverai, ce prêtre. Je le dévorerai, je le déchiqueterai en lambeaux. Ah ! Le voilà, il se cache derrière ce cèdre. Le voyez-vous, le grand lâche ! » Et au même instant, la tête du Haruji, suivie des quatre autres, bondit vers Kveirio. Celui-ci s'était armé d'un jeune arbre et avec ce gourdin improvisé, il frappa tant et si bien sur les têtes qui l'assaillaient que toutes, à l'exception de celle du Haruji, s'enfuiraient éperdument. Mais la tête du bûcheron, bien qu'atteinte maintes fois par les moulinets que Kveirio décrivait, s'acharnait dans son attaque. Elle se mit à bondir désespérément vers le prêtre et réussit à la fin à le saisir par la manche de son habit. Kveirio, la prenant par les cheveux, la frappa plusieurs fois avec violence. Elle ne lâcha pas prise, mais poussa un long gémissement et cessa soudain de lutter. Elle était morte. Entre ses dents, elle serrait toujours la manche du prêtre. Et malgré sa grande force, Kveirio ne put parvenir à ouvrir la mâchoire. Il retourna alors à la chaumière et y vit les quatre Rokuro Kubi qui y survivaient. Ils étaient agenouillés les uns près des autres, leurs têtes meurtries et ensanglantées réunies de nouveau à leur corps. Lorsqu'ils l'aperçurent, ils se levèrent et s'enfuirent précipitamment vers les bois en criant « Le prêtre ! Voici le prêtre !» Le ciel se teintait de pourpre et l'aube allait venir. Kveirio savait que le pouvoir des mauvais esprits est limité aux heures de la nuit. Il contempla la tête souillée de sang, de bave et de boue, et il rit en se disant à lui-même « Quel curieux miager que la tête d'un fantôme !» Puis il rassembla ses quelques effets et descendit lentement la montagne afin de reprendre ses pérégrinations. Il marcha ainsi sans s'arrêter jusqu'à la ville de Suwa. Là, dans la rue principale, il s'avança gravement et la tête qui pendait toujours à la manche de son koromo se balançait d'un mouvement rythmé. À cette vue, aussi étrange qu'effrayante, les femmes s'évanouirent et les enfants coururent se cacher en pleurant. Il y eut une véritable émeute qui ne prit fin que lorsque les membres du Torité, c'est ainsi qu'on appelait la police dans ce temps-là, eurent arrêté le prêtre et l'eurent renfermé dans la prison. Tout le monde prenait la tête du Rokuro Kubi pour celle d'un homme qui, au moment d'être assassiné, avait saisi l'habit de son meurtrier entre ses dents. Quant à Kveirio, il ne cessait de sourire et déclarait qu'il ne dirait rien jusqu'au jour de son interrogatoire. Après avoir passé toute la nuit en prison, il fut conduit le lendemain matin devant le magistrat de l'an 3. On lui ordonna d'expliquer comment lui, un prêtre, se trouvait porteur, et si étrangement, d'une tête humaine. Pourquoi avait-il l'audace d'étaler ainsi devant les yeux d'autrui la preuve palpable de son crime ? Kveirio rit en écoutant ses questions. Puis il répondit « Seigneur, ce n'est pas moi qui ai attaché cette tête à ma manche. Elle s'y est fixée toute seule. Et bien contre mon gré, je n'ai commis aucun crime, car cette tête n'appartenait pas à un homme, mais à un fantôme. Si j'ai causé la mort de ce fantôme, je ne l'ai pas fait en versant du sang, mais en prenant les mesures nécessaires pour ma sécurité personnelle. » Alors, il raconta toute son aventure et il partit d'un grand éclat de rire en narrant sa rencontre avec les cinq Rokuro Kubi. Mais les magistrats, eux, ne souriaient point. Ils le jugèrent un criminel endurci. Et son histoire fantastique leur parut une insulte à leur perspicacité. Ils résolurent donc de l'exécuter sans plus tarder. Lorsqu'un d'entre eux, un vieillard très âgé qui jusque-là n'avait pas prononcé une parole, se leva et dit « Examinons d'abord la tête avec attention. Nous ne l'avons pas encore fait. Si le prêtre a été véridique, la tête devrait confirmer ses déclarations. Qu'on nous la porte tout de suite. » Et la tête, qui tenait toujours entre ses dents le koromo de Kverio, fut présentée au juge. Le vieillard la retourna et l'examina attentivement. Sur la nuque, il découvrit d'étranges caractères rouges. Il montra ces marques à ses collègues et leur fit observer que la tête ne paraissait pas avoir été tranchée du corps par une arme quelconque. Au contraire, la ligne de séparation était aussi lisse que l'aisselle d'une feuille qui se détache de l'arbre. Alors le vieillard déclara « Je suis convaincu que le prêtre nous a dit la vérité. Nous avons effectivement devant nous la tête d'un Rokuro Kubi. Il est écrit dans le livre de Nanhoi Butsushi que l'on trouve toujours certains caractères rouges sur la nuque d'un véritable Rokuro Kubi. Les voici. Vous pouvez aisément vous convaincre qu'ils ne sont pas dus à la peinture. D'ailleurs, depuis des temps immémoriaux, ces fantômes habitent les montagnes de la province de Kai. Mais vous, Seigneur, ajouta-t-il en se tournant vers Kverio, quel prêtre êtes-vous donc pour être si vaillant? Vous avez fait preuve d'un courage remarquable. Du reste, vous avez plutôt l'air d'un guerrier. Peut-être apparteniez-vous autrefois à la classe des samouraïs. Vous avez raison, répondit Kverio. Avant de devenir prêtre, j'ai suivi pendant de longues années la carrière des armes. Dans ce temps-là, je ne craignais ni homme ni démon. Je m'appelais alors Isogai Aidazaimon Taketsura. Parmi vous, quelqu'un se souvient-il de ce nom? En entendant ces mots, un murmure d'admiration s'éleva. Plusieurs personnes se souvenaient de lui et Kverio se trouva immédiatement entouré d'amis et non pas de juges. Tous brûlaient de lui exprimer leur sympathie. Ils l'escortèrent en grande pompe jusqu'à la demeure du daimyo de l'endroit, qui le reçut avec beaucoup d'honneur. Avant de le laisser partir, ce seigneur lui offrit un banquet et un riche cadeau. Lorsque Kverio quitta Suwa, il était aussi heureux qu'un prêtre peut l'être dans ce bas monde. Quant à la tête, il l'emporta avec lui en disant qu'il la gardait pour l'offrir à quelqu'un comme Miyadje. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à dire ce que la tête devint. Un ou deux jours après son départ de Suwa, Kverio rencontra un voleur de grand chemin qui l'arrêta en un endroit désert et lui ordonna de se défaire de ses biens. Kverio enleva tout de suite son koromo et l'offrit à son agresseur qui vit alors ce qui pendait à la manche. Quoique brave, le bandit fut effrayé. Il lâcha l'habit et se recula vivement tout en criant « Ah, qui êtes-vous donc? Vous êtes mille fois plus mauvais que moi !» J'ai tué bien des personnes, mais je ne me suis jamais promené avec une tête humaine pendue à ma manche. Seigneur prêtre, je présume que nous exerçons la même profession. J'avoue que je vous admire. Eh bien, cette tête-là pourrait m'être très utile. Elle me servira à épouvanter le monde. Voulez-vous me la vendre? En échange de votre koromo, je vous donne donc mon habit et 5 rios d'or en plus pour la tête. Kverio lui répondit. Je vous laisserai volontiers avoir la robe et ce qui en dépend, si vous le désirez. Cependant, il est de mon devoir de vous avertir que la tête n'appartenait pas à un homme, mais à un fantôme. Si vous me l'achetez et que, plus tard, il vous advienne des désagréments, rappelez-vous que je vous ai prévenu. « Quel charmant prêtre vous faites !» s'écria le voleur. vous assassinez les gens et puis ensuite vous en riez. Mais je parle sérieusement. Tenez, voici mon habit et voici votre argent. Donnez-moi la tête. Pourquoi plaisanter ? Prenez, prenez, dit Kveriot, mais je ne plaisante pas. Si plaisanterie il y a, c'est que vous êtes assez sot pour donner du bon argent pour une tête de Rokurokubi. Et Kveriot, riant aux larmes, continua son chemin. Voilà comment il se fit que le voleur se trouva en possession de la tête. Pendant quelque temps, il joua le prêtre fantôme sur les grandes routes. Mais, en arrivant dans le voisinage de Suwa, il apprit alors la véritable histoire de la tête. Il fut très effrayé, car il craignait que l'esprit du Rokurokubi n'essayât de lui nuire. Il résolut donc de rapporter la tête à l'endroit d'où elle était venue et de l'enterrer à côté de son corps. Il parvint avec difficulté à la petite demeure solitaire située parmi les monts de la province de Kai. Personne ne s'y trouvait et il ne put découvrir le corps du bûcheron. Alors, il enfouit la tête toute seule au milieu du bosquet d'arbres à l'arrière de la chaumine. Sur la tombe, il fit ériger une pierre funéraire et il fit célébrer des services dits « segaki » pour le repos de l'esprit du fantôme. Et cet endroit, connu sous le nom du tombeau du Rokurokubi, peut être vu, ainsi l'affirme le conteur japonais, encore de nos jours. Eh bien, voilà, voilà, voilà. Fait peut-être pas trop bon se promener tout seul dans la montagne du côté du Japon. Hein. Il n'y en a pas du tout en France. Allez, à tout bientôt sur Radio Gemozo. Thank you.